2021. Thank you. Radio 21. 21. We'll be right back. Thank you.

We'll be right back. Patreon. Radio 21. Vous écoutez Radio 21, bientôt 4h du matin. Nous étions en compagnie de Stacy Poulon, mix enregistré au Fuse samedi dernier. À vendredi prochain, dès 1h. Bonne nuit.